d'acteur que je fus pendant 20 ans dans ce triste drame oratoire ou populaire de ma patrie, le prompt dégoût du peuple et la mobilité ordinaire des choses humaines m'ont rejeté au rang des spectateurs les plus oubliés. Je ne m'en plains pas. C'est le bon côté des disgrâces, quand la foule se précipite où l'on ne peut pas aller, heureux l'homme seul. Mon existence ainsi est bien plus à moi. Je m'enveloppe de cette obscurité, je la resserre de jour en jour plus étroitement, comme un manteau d'hiver autour de mes membres. Que ne puis-je en envelopper aussi mon nom? Mais d'où vient, me direz-vous encore, ce bonheur intime, si contradictoire, avec une situation que vous dépeignez comme si pénible? Expliquez-nous cette contradiction apparente. Un seul mot l'explique, et c'est par là que je voulais terminer. C'est que je suis redevenu franchement et exclusivement homme de lettres. C'est que je vis, grâce à cette passion pour la littérature, en société avec tous les hommes qui ont légué leur âme écrite à la mienne, comme nous léguons tous une parcelle de notre âme écrite à ceux qui viendront après nous. C'est que mon âme se distrait, s'édifie, se fortifie dans cette société des grands morts. Et c'est aussi parce que, indépendamment de ces bienfaisantes influences du travail littéraire en lui-même, je jouis de penser que ce travail, plaisir pour les uns, peine pour les autres, devoir pour moi, ne sera peut-être pas entièrement perdu pour ceux à qui je dois le fruit de mes veilles. Alphonse de Lamartine.